يقول في شرح كلمة أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيئا أخاف عليكم la pire chose, la chose qui m'effraie le plus pour vous. الرياء الرياء ما هو الرياء هو مراءة أو مراءة الغير بعمل الخير كالذي يحسن الصلاة من أجل الناس et celui qui fait voir ses actions aux gens comme celui qui embellit sa salat pour que les gens le voient ma wa qasduhu de plaire aux gens d'accord son but est de plaire aux gens car à la base ali khalas man turid turid Allah azza wa jalla c'est là que tu veux donc tu ne veux pas en cela autre que lui donc en voulant autre que lui parce qu'il lui est propre tu auras fait du shirk. Et ça, ce ria, comme le stipule les ulama, c'est un bœuf sur lequel il faut vraiment rakaz, jiddan. Car fil gharib, les mustaqimoun, sunni, mathalan, tu ne les verras pas faire du shirk akbar, mathalan, invoquer autre que Allah, égorger pour autre que Allah, التوكل على غير الله وحتى هذا قد يحصل شيء les formes de shirk qui sont واضحة là c'est une chose qui est comprise chez eux qui est assimilée mais ça هذا وأخطر ما يكون pourquoi car ça, ça vient sans même que tu te rendes compte tu peux commencer il y a un bébé qui va venir qui va en parler tu veux commencer un acte خالصا لله وفي أثناء العمل تتغير نيتك يأتي الشيطان خلاص Tu as commencé pour Allah. Et en pleine action, ton nia change. C'est dangereux. Et كذلك, les gens de la sunna sont les gens qui font les œuvres les plus valables. Car leurs œuvres sont bâties sur العلم والمتابعة. Plus que les autres. Les autres aussi sont des même si ils vont faire des ibadas. صحيحة, on ne dit pas le contraire. D'accord ? Mais جند السنة هو فضل أعظم من غيرهم et ça amène à ce que ce qu'ils font est observé par les autres ils sont regardés par les autres كذلك يعلم أنه قدوة للجهال il sait que l'ignorant justement va le prendre on va dire en exemple il sait que ce qu'il fait c'est pris en compte par les autres. Soit à la wajh ta'n pour qu'on le critique par les opposants de la sunna, ils te guettent voir ce que tu fais, t'en as moindre erreur pour te taper dessus, ou soit alors par le jahil qui ne connaît pas et te fait confiance. Il te dit, si un tel fait ça, je pense que c'est bon, tu vois. Ma'loum. Donc, il sait qu'il est regardé. Il a les yeux rivés sur lui, il le sait. Et ça, ça peut amener au riya. D'accord ? Ça peut amener au riya. Par exemple, le da'i d'Allah, qui fait da'wa, il fait sa da'wa, et, mine de rien, les gens ont pour coutume d'élever les gens plus que leur rang. Donc le da'i, souvent, on le désignera, les gens vont le voir comme quelqu'un d'immense. Enfin, plus, je suis un miskin, tu vois. Mais les gens vont dire, non, toi t'es kaza, toi t'es kaza, toi t'es kaza. Ça rentre dans le cœur. T'es un être humain, t'es faible. Ça rentre dans ton cœur. Par exemple, tu as un da'i quelque part, si demain tu ramènes un frère quelconque et tu ramènes un da'i pour le mariage, les sœurs vont vouloir qui en premier ? Le da'i direct. Elle préfère être deuxième avec un cheikh, Masalène, qu'être première avec l'autre. Elle dit là, t'as un cheikh, un tel, il cherche le deuxième. Là, t'es le foulaine, il veut se marier. Ah, elle dit, un cheikh, ah ouais. Hop, elle va choisir le cheikh. Ou foulaine qui est connu, qui a un rang. Enfin, donc ça, celui qui fait da'wa, il s'en rend compte de ça. Donc ça peut juste s'annir. Par plein de choses. Celui qui est éloquent quand il parle, il captive les gens le regardent avec des yeux, ils sont ébahis, ils sont éblouis. Ça rentre dans son cœur. Celui qui est imam, qui a une belle voix. D'accord ? Kazalik. Celui qui fait la khutba, qui a un khatib, qui a un kawi. D'accord ? Dans sa khutba, il est puissant. Il voit tout le monde devant lui qui le regarde. Ça rentre dans son cœur. Celui, Masalem, qui est habitué à faire siyam, souvent, et ça se voit, même s'il ne veut pas le montrer, ça se voit. Celui qui aime le layl, les gens le voient ou le savent, même s'il n'a pas forcément dit. Tout ça, ça a amené à quoi? Des éloges. Et ça rentre dans ton cœur. T'as quelque part dans un lieu où personne ne parle arabe, tu parles arabe, les gens vont dire, ah ouais, lui, mashallah, tout de suite. T'es chez un endroit où les gens ne connaissent que Juz Amma, Tataïf, t'as même, juste le soulouz du Coran. Et bon, ouais, c'est Mishawi dans la Kira'a. Donc les gens vont forcément t'élever à un niveau plus haut. Et si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe? Le Réa, il monte. Et t'en as plein, ils ont dévié comme ça. Ils sont avec quelque part, les gens sont tellement gonflés, ils n'ont pas repoussé le Réa, ils ont dévié. Ils sont devenus orgueilleux, ils sont devenus hautains. Et ils ont fini par me sortir de la sunna à cause de ce genre de choses, car il y avait une dassissa dans le cœur. Il y avait un poison déjà qui était là. Et ça, c'est comme une graine, et les gens, avec leurs éloges et leurs exagérations, ils ont arrosé la graine. Et lui, là, il s'est poussé la graine. Il n'a pas repoussé. Résultat, l'arbre du façade est sorti de son cœur. Et il arrive ce qu'il est arrivé. Tout comme, كذلك من الرياء ترك العمل لأجل الناس. Ça, c'est l'inverse, le piège inverse. Quelqu'un, par exemple, il est habitué à faire salat al-duha, ou à jeûner tel et tel jour, shahriyan, tous les mois. Il se lève le matin pour le sahour, les gens le voient. Il dit non, il me voit, je ne vais pas jeûner. On dit non, justement. Ça, c'est du riya également. Fais ce que tu fais d'habitude. Ne change pas ton habitude pour les gens. Pourquoi? Pourquoi tu as délaissé ton jeûne là maintenant aujourd'hui? C'est pourquoi? C'est pour le regard des gens. Ça rend dans le riya. C'est-à-dire, le riya, c'est pas seulement faire, c'est aussi délaisser. Et tout ça est bâti sur quoi? Sur le regard des gens. Maintenant, il y a des choses, des fois, il faut les délaisser pour le regard des gens. C'est mieux. Mais je parle d'une chose que tu es habitué à faire. D'accord? Il y a des choses qu'on discrète, c'est vrai. Mais tu as des choses, ta coutume, c'est de jeûner, par exemple, tous les jeudis et le lundi. Arrête pas pour le regard des gens. Tu es habitué à faire ton salat Doha, ton dans la carte. Les gens te regardent. Arrête pas pour le regard des gens. Tu es habitué à faire Qiyam al-Layl. Les gens te regardent. T'arrêtes pas pour le regard des gens. Là. D'accord? Maintenant, il y a des choses qui sont occasionnelles, et des fois, le faire devant les gens, c'est pour mieux éviter. Quand tu es le sadaka, tu veux que personne ne sache. Il y a des hadiths qui sont venus. Tu te fais discret. D'accord? Mais maintenant, c'est une chose que tu fais tout le temps. Continue. Change pas ton habitude. Pour les gens. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les ulama le disent. T'as trop le fait rire à kazalik. Donc c'est el-amel ou el-tark. Le fait de faire, le fait de délaisser, ça rend rire également. Car le vieux, ça vient à quoi? On regarde les gens. On regarde les gens. Et après, comme on l'a expliqué, il y a un tonsil. Des fois, il y a des choses, nam, si tu les fais discrètement, c'est mieux. D'accord? Il y a des choses, il faut les faire devant les gens. Pourquoi? T'es un mu'allim, tu montres aux gens comment faire. La dawa des actes, elle est la plus influente. Tu vois? Le Nabi Soslem, Marada, quand sallal l'innas, abam l'innas, l'ajil yu'allimahum. Ou des fois, il y a un sahabi, je ne sais plus qui il est, il est venu à un endroit, il s'est mis à faire salat. Et il a dit, maratu salat. Inna maratu nu'allimakum salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En vrai, je n'ai pas voulu faire la salat, dans le sens où, c'est une salat que je ne fais pas d'habitude. J'ai fait exprès pourquoi? Pour vous montrer, pour vous enseigner. Pour vous, ce n'est pas qu'on fasse un éloge, c'est d'enseigner aux gens. Donc c'est une ibadah. Ce n'est pas de rire ce qu'il a fait. Tu vois? Ou comme ce qu'a fait Abu Moussa, qui faisait le Qiyam al-Layl, wa qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asnana sawtihi. Il a dit, urtiya, mizmar, mazamir, ahl Daoud. Il a une voix aussi belle que les gens de Daoud. Il a dit, si j'avais entendu que tu m'écoutais, je rembellis ma voix. On pourrait croire que c'est de l'IA. Dis là, pourquoi? Car en fait, il traite le surur à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ibadah. Faire plaisir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ibadah. Ça aurait été autre que lui, il n'a peut-être pas fait ça. Et comme c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il aime ça, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que faire plaisir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime cela, donc c'est ibadah. Ça, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Après, c'est une salat subtile. Mais le shahid de tout ça, c'est pour dire que les gens de la sunna, le bab le plus khatir pour eux en général, c'est celui-là. Le bab du tawhid. C'est le riya. Concentration. Faire attention à ça.